بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم رف منار الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين. Le fait d'honorer la religion par ses vraies valeurs et d'annihiler des idéologies de ceux qui appellent à l'indulgence ou tolérance avec les mécréants. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. 12e leçon, 12e leçon. Inna alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran amma ba'd. أي شبهات أخذنا أمس؟ Ils ont pris la parole d'Allah ce matin-là, on vous le dit. Voilà au cha arabuka, la jéralakum, la jéralana summatem wahida. Voilà, yazaluna mukhtalifin. Ils ont coupé là. Et la suite, c'est l'aimant rahim arabuk. Ambitieux qui a la fin miséricorde. Non. C'est rahma, c'est le haq. Et le khilaf, c'est le faux. Et c'était quoi l'autre chamouette? وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين كذلك وما أرسلناك إلى كافة بشيرا ونذيرا سبع صلاة إيك لا رحمة كل قبل صلى الله عليه وسلم يتوفي pour tous les hommes, c'est-à-dire pour les appeler à l'islam, car il est connu que les autres envoyés cela est parmi les particularités du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. قال كان النبي كان الرسول يرسل لقومي خاصة وأرسلت للناس كافة. Une particularité, c'est que les autres prophètes est envoyé à leur peuple en particulier, et lui dit moi je t'ai envoyé à tous les hommes pour appeler tous les hommes. وهذا يسمى أمات الدعوة. أمات الدعوة et أمات الإجابة. أمات الدعوة, c'est la communauté de l'appel, c'est-à-dire c'est tous les gens, الثقلين جن والإنس, ceux que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu appeler à l'islam de façon générale. Wa ummat al-ijaba, c'est celle qui a répondu, la communauté qui a répondu, c'est-à-dire les musulmans. Taïb. Al-An, on va prendre quelques petites choubouhat et inshallah demain on finit le livre, yani le résumé du livre bi'inna ta'ala. Donc maintenant de quoi il se base comme verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, sourate al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum wa li din. Voyez, tu prends cette sourate là qui est: ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, à vous votre religion, à moi la mienne. Donc il veut faire croire que cela est une sourate qui est venue pour l'indulgence. Toi tu as ta religion, moi j'ai la mienne. Sauf que l'un des deux ait besoin de nuire à l'autre. Vous voyez ? Bien entendu, cette sourate n'est pas du tout descendue pour ce sens-là. Mais alors pas du tout, bien au contraire. Elle a été appelée sourate al-Bara, la sourate du désaveu. Et il se sert de cette sourate comme il se servit de notre sourate. Wa qul al-haq wa qul al-haq min rabbikum wa man shafa al-yumin wa man shafa al-yakfur. Fin de ce verset. Et dis la vérité de ton Seigneur, celui qui veut qui croit, celui qui veut qui me croit. On fait pareil. Après un verset, ils l'ont mis dans un contexte qui n'a rien à voir. Au contraire, ils l'ont mis dans le sens inverse. Donc Ibn Kathir rahmalahu ta'ala dit à propos de cette sourate, comme je l'ai dit, qui s'appelle sourate Al-Bara, sourate Al-Bara'ati. من العمل الذي يعمله يعمله المشركون وهي آمرة بالإخلاص فيه قوله تعالى قل يا أيها الكافرون. C'est la sourate du désaveu. Parmi les choses que les mouchikoun y font, qu'on se désavoue d'eux et eux de nous. Et c'est une sourate qui ordonne à la sincérité. قل يا أيها الكافرون. Ou vous les mécréants. Chamel kul kafirin ala wajil ard, walakin al muwajihin bi hada al khitab hum kuffar quraish. Ce verset englobe tous les kuffars, hein, sur la surface de la terre. Mais à la base, ce verset est descendu pour qui? En particularité pour les kuffars de Quraish. وقيل إنه من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة فأنزل الله هذه سورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية فقال لا أعبد ما تعبدون يعني من الأنصام والأنداد ولا أنتم عبدون ما أعبد وهو الله وحده لا شريك له ها هنا بمعنى من. Donc il a été dit que par leur ignorance, ils ont osé appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un compromis. Tu adores nos divinités un an, nous on a dans la tienne un an. Donnant, donnant. D'accord ? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre cette sourate dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a été ordonné de se désavouer de leur religion dans sa totalité. Un total désaveu de la religion. En sa parole, lui dit dans le sens, je n'adore pas ce que vous adorez. C'est-à-dire, parmi les idoles et les égaux. Les égaux que vous avez donnés à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens, il dit également, et vous n'êtes pas adorateur ce que j'adore. Et qui est-ce que j'adore? Allah, seul, sans associé. Et ici, wala antum abiduna ma a'bud, là le ma, bimana, man, hey man aboud, celui que j'adore. Hein, mais voilà, ism mawsoul. ثم قال ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اي لا اعبد عبادتكم. اي لا اسلكها ولا اقتدي بها وانما اعبد الله على وجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال ولا انتم عابدون ما اعبد. أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Ensuite il dit dans le sens, et que je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, c'est-à-dire je n'adore pas votre adoration ni je ne la poursuis. Et ni je m'y tiens. Et juste j'adore Allah de la façon qu'il aime et qu'il agrée. Comme lui il veut qu'il agrée. C'est important comme shart. Des gens ils adorent Allah comme eux ils le conçoivent. Il dit bien moi comme Allah le veut. C'est pour cela qu'il dit ensuite dans le sens, vous n'êtes pas adorateurs ce que j'adore. C'est-à-dire, vous ne suivez pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa législation dans son adoration. Et vous avez certes inventé et forgé des choses de vous-même. Comme Allah dans le sens il a dit, ils ne suivent que des conjectures et les passions, alors que la guidée de leur Seigneur leur est déjà parvenue. Et malgré cela, ils font autre chose. فَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ الْعَابِدَ لَبُدَّ لَهُ مِنْ مَعْبُودٍ يَعْبُدُهُ وَعِبَادَةٍ يَسْلُكُهَا إِلَيْهِ فَالرَّسُولُ وَأَتْبَاعُهُ يَعْبُدُونَ اللَّهَ بِمَا شَرَعَ وَلِهَذَا كَانَ كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركون يعبدون غير الله عبارة لم يأذن بها الله لم يأذن بها الله ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعملوا وأنا بريء مما تعملون. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est innocenté d'eux dans tout ce quoi ils sont. Car l'adorateur, serviteur adorateur on dira, dévot, est obligé d'avoir un culte avoué, d'adorer quelque chose. D'accord ? Et une adoration qu'il poursuit, sur laquelle il achemine. Donc le messager et ses suiveurs, eux ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a légiféré. C'est pour cela que la parole de l'islam, c'est la shahada. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire, aucun adoré, en réalité, bihaq, sauf Allah. C'est-à-dire qu'il mérite l'adoration sauf Allah, car d'autres choses sont adorées en dehors d'Allah. Aucune voie menant à lui, à part par le biais de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a apporté. Alors que les mouchidekoun, les associateurs, eux, ils adorent Allah par une adoration autre que, celle que Allah a décrétée, a autorisée. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, à vous votre religion et à moi la mienne. Vous avez votre chemin, moi j'ai le mien. C'est pour cela que Allah dans le sens également, il dit pour confirmer ce verset, dans un autre verset, dans un sens équivalent. Et si jamais il te démente, alors dis, à vous vos œuvres, à moi les miennes, hein, vous êtes innocent ce que je fais, tout comme je suis innocent ce que vous faites. Et ça c'est wadih. C'est ça qu'il faut dire au kuffar. Ce que vous le faites, je suis innocent. Ce que je fais moi, je le fais, vous en êtes innocent. Ça c'est un message clair avec eux. Donc, leur chouboite avec le verset ou la sourate Al-Kafiroun est totalement, mais totalement en contexte. Cette sourate est venue justement pour le désaveu. Vous, votre religion, et je m'en désavoue. Moi j'ai la mienne, vous en désavouez. Aussi, toujours dans leur chouboite, ils prétendent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré à Mecca, par la conquête, qu'il a rassemblé ses habitants. Et qu'il leur a dit, « Ya, Marshal Quraysh, ma taraun anni fa'ilun bikum. Qalu khayran, akhun karim, ibn karim. Qale fa inni yakulu lakum, kama qale Yusuf li ikhwati, la tasrib alikum ul-yom. Idhabu fa antum talaqa. » Donc, ils prétendent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Mecca, il leur a dit quoi aux gens de Mecca? Il les a rassemblés, il leur a dit, ô vous, les gens de Quraysh, que vous pensez-vous que je vais faire de vous? Ils lui ont dit, que du bien, tu es un noble frère et un noble fils. Donc il leur a dit, alors moi je vous dis, tout comme Youssouf a dit à ses frères, hein, nul grief sur vous aujourd'hui. Vous pouvez vous en retourner, vous êtes libre, vous êtes gracié. Donc cette histoire, elle a été apportée par Ibn Ishaq. C'est Mohamed Ibn Ishaq Ibn Yassar, l'un des premiers qui a fait un livre de Sira, de biographie. Et également, Ibn Kathir, dans son livre Al-Bidaya al-Nihaya, a évoqué lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à Mecca. Donc Ibn Ishaq, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, فَحَدَّفَنِي بَعْدْ أَلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْقِصَّةَ. Ibn Ishaq dit, m'ont rapporté certaines personnes de science, ils sont morts, ensuite il a rapporté cette histoire. Donc cette histoire elle est faible. Comme l'a dit l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dans son livre, Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa, en numéro combien 1166. Et il a dit que cette chaîne de narration sur Sanad, il est da'if, il est mursel. Car le cheikh de Mishaq, hein, n'a pas été nommé. Donc c'est un majhoul, un inconnu. Et ensuite, ce n'est pas un sahabi. Car Ibn Ishaq n'a rencontré personne des sahabas. Lui plutôt il rapporte des tabi'in et de ses, on va dire, de ses camarades. Donc le hadith, il est mursel et mu'adal. Qu'est-ce que ça veut dire? Mursel, c'est lorsque il y a celui qui rapporte le hadith, ne le rapporte pas du sahabi qu'il a entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une coupure entre le rapporteur et le sahabi qui a entendu le hadith, d'une part. Et lui, il est mu'adal. Mu'adal, c'est en plus, c'est-à-dire c'est encore plus grave, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs coupures entre le rapporteur et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'affilée. C'est pire qu'un monde quantique. Ça, c'est d'affilée plusieurs personnes, ne sont pas citées. là ça rend l'histoire encore plus faible. Car celui dont il prend son cheikh, c'était pas un sahabi, et en plus il n'est pas nommé, c'est un majhoul, un inconnu. Donc le hadith, il est faible, réellement. Et comme le cheikh il dit, cette histoire-là ne peut même pas servir comme témoin de shahid pour en appuyer d'autres. Alors que dire de la prendre comme argument? Il a irtijaj biha. Même aoula. Donc elle a délaissé dans sa totalité. Car elle comporte combien? Deux failles. Il latin. El irsel ou l'irdal. Les mursel ou mordal. En plus d'être ignorant dans les sens des versets, ils le sont en plus dans le sens du hadith. Ces gens-là. Donc ce soir-là, il n'est pas pris en compte. Également, aussi, ils prennent comme preuve, comme shubuhat, le hadith, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Aïcha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit pour appeler des gens à l'islam, Yom al-Aqaba, lorsqu'il est sorti pour appeler un peuple à l'islam, parmi les Arabes. Dans le hadith, muttafaqun alayhi, selon Aïcha, qalat للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم الأحد؟ Elle lui a dit, oh messager d'Allah, as-tu déjà vécu un jour plus difficile que le jour de Uhud? Donc il répondit صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا للا Ibn Abdi Kulalin, voilà où j'ai ibni ila ma'arattu. Donc il dit quoi? Que j'ai certes rencontré de ton peuple, ce que j'ai rencontré le plus dur, ce que j'ai rencontré dans ton peuple, le jour de l'Aqaba. Lorsque je me suis proposé à eux pour les appeler à ce que je voulais qu'ils ont refusé. C'est le jour justement, il s'est fait manger des pierres, il m'a insulté et tout. Fantalaktu wa ana mahmoumun ala wajhi. وَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِكَرْنِي أَسْعَالِبْ. Donc il dit, j'en fus pris le tracas. Cette histoire l'a vraiment a tracassé. A tel point qu'il en fut son chemin désorienté. Il ne se rendait pas compte de là où il était. C'est ce qu'il arrive où à Korn Es'alib. Il arrive à un endroit particulier. C'est là qu'il a trouvé repris l'esprit. Mais avant ça, il savait même plus où il allait. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فإذا فيها جبريل فناداني وقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. Il dit, et à ce moment-là, je lève la tête et soudainement voilà qu'un nuage qui me fait de l'ombre dans lequel se trouvait Jibril alayhi salam, qui me dit, certes que Allah Azza wa Jal a entendu les paroles de ton peuple, comment ils t'ont reçu. La réponse. Wa qad ba'atha ilayka malak al-jibal li ta'murahu bima shid fihim. Donc il t'a envoyé l'ange des montagnes pour que tu leur donnes ce que tu veux. Qal fanadani malak al-jibal wa sallama alayya thumma qal ya Muhammad inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka wa ana malak al-jibal. وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فماذا شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Donc l'ange, il dit que l'ange de montagne l'a appelé et lui a passé le salam. Il lui a dit, oh Mohammed, que Allah a entendu les paroles de ton peuple à ton encontre. Je suis l'ange des montagnes. Il m'a envoyé, ton Seigneur m'a envoyé, afin que tu m'ordonnes ce que tu veux. Si tu veux, je retourne sur les montagnes. Je fais tomber les montagnes sur eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'espère, je souhaite que Allah fasse sortir de leurs reins un peuple qui l'adore seul, sans lui associer quoi que ce soit. Donc il les a graciés. Donc eux, ils prennent cette partie-là pour dire, regardez, il est indulgent. Il est indulgent avec les koufars. Avec le mal qu'ils lui ont fait, il aurait pu les tuer s'il voulait, les exterminer. Et malgré cela, il était indulgent, il l'a accepté, il ne s'est pas vengé ni rien. Quand le Hafiz ibn Hajar, fil Fath, fi hadha al hadith, bayan shafaqat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala qawmihi, wa mazidu sabrihi wa hilmi. Wa huwa muwafiq li qawlihi ta'ala, fa bima rahmatin min Allah linta lahum. وقوله وما أرسلناك لرحمة للعالمين. Donc il dit dans le fait que ce hadith démontre la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers son peuple et la patience qu'il a fait preuve envers eux, et que cela coordonne avec la parole d'Allah dans le sens où il dit: et ce n'est que par miséricorde d'Allah que tu étais doux envers eux, sa parole, et nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Fin de parole d'Ibn Hajar. Le Shi répond en disant qu'il n'y a dans leur prétention à ces gens-là avec ce hadith ce qu'ils veulent faire entendre, cette, on va dire, cette indulgence absolue. Il dit, c'est tout simplement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été appuyé par la révélation que de ces gens-là viendront des gens qui viendront à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il ne les a pas, hein, il n'a pas demandé à l'ange de les exterminer. Parce qu'il savait d'Allah subhanahu wa ta'ala que de ces gens-là viendront des serviteurs, des muslimounes. Donc il a besoin de gens. C'est juste qu'il a fait preuve de patience avec eux pour l'avenir. Et non pas pour vivre en conciliation avec eux, pour eux-mêmes, mais pour leur descendance. Car s'ils avaient tué, il n'y aurait pas eu de nouvelle génération après eux. Donc lui voyait loin. Vous voyez loin. Et il avait un indice d'Allah subhanahu wa ta'ala que de ces gens-là allaient venir un bien grand nombre de musulmans. Par exemple, Nuh alayhi salam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait savoir dans sa parole où il dit "Lan yu'mina min qawmika illa man qad aman", que personne ne croira de ton peuple, hormis ceux qui ont cru. C'est-à-dire ceux qui sont avec toi maintenant là, à part eux, personne ne croira. Donc qu'est-ce qu'il a fait Nuh? Vu qu'il savait que personne n'allait croire, alors il a invoqué contre eux. Car lui, il savait que personne n'allait suivre après cela, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit. Donc c'est là qu'il a fait son dua contre son peuple. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّونَ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Que Nuh a dit: ô Seigneur, ne laisse sur terre aucun mécréant. Car si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs et ne mettront au monde que des pervers mécréants, comme eux. Car il savait qu'il n'y avait plus espoir à tirer de ces gens-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit. Bien qu'il ait patienté 950 ans en leur milieu à les appeler. Rahmatan lahum. Est-ce qu'au début il a manqué contre eux? Alors qu'il le refusait. Presque mille ans à appeler un peuple. Nous aujourd'hui c'est une heure si on s'énerve. On dit tu parles à quelqu'un, il te répond mal. Une heure? Allez, un quart d'heure. Un quart d'heure, tu t'énerves. Il arrive 950 ans. C'est pour ça que Nuh, il est mine Ulul Azm, parmi les plus dotés de ferveur, fermeté. Ulul Azm, ils sont Khamsa. Manhum. Ulul Azm. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim, alayhi wa sallam. Moussa, alayhi wa sallam. Isa et Nuh. Tous les messagers ont du Azm. Cependant, ces cinq-là étaient ceux qui en avaient, on va dire, qui ont été cités par Allah comme étant ceux qui en avaient le plus. Par sa grâce. Tilka Rusul, Faddalna, Ba'dahum, ala Ba'd. Tels sont les messagers, nous avons privilégié certains à d'autres. Ça, c'est une chose que Allah l'a voulu. Aussi, ils prennent comme preuve, d'après eux, l'histoire de Thumama ibn Awfal, radiallahu anhu, qui avait été fait prisonnier. Alors qu'il était encore un kafir, et que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a fait prisonnier, l'a nourri et ensuite l'a libéré. Ils disent regardez. D'accord? Déjà, pourquoi il a été nourri? Parce que le musulman, justement, il nourrit le prisonnier. Comme dans le Ta'ala, yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Qu'ils nourrissent le pauvre et l'orphelin et le prisonnier malgré leur amour. C'est-à-dire ce qu'ils veulent eux de ces biens-là, ils le donnent quand même. C'est une chose que Allah a décrit les croyants. C'est parmi leurs caractéristiques. Donc ils le font. Avec le prisonnier, avec l'orphelin, avec le pauvre. Et pourquoi est-ce que Thumama a été libéré? Justement, comme ils ont été bienfaisants envers lui, ils ont vu de lui un désir d'entrer en islam. Il était réceptif. Ils l'ont libéré. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est soumis, il s'est converti. Donc cette indulgence dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait preuve avec les koufars, comme on pourrait l'appeler indulgence, mais pas comme ils l'entendent, c'est pour les appeler à l'islam. Et non pas pour vivre de façon égale avec eux, d'un amour, de fraternité. Non. C'est ça la rahma justement qu'il a pour eux. Omar Sannaka, il est rahmatin alamin. Pour que tu entres en islam. Ma rahma, elle est là pour toi. Pour que tu sois des gens du Jannah. Et si jamais par contre ils refusent, Après, c'est, il change. C'est autre chose. Cette rahma, c'est un appel à l'islam. Mais toujours avec, avec vérité et honnêteté. Et également, cette histoire est une preuve qu'il, que tu peux être honorable envers le prisonnier. Et d'ailleurs, parmi les hadiths du rusl, de celui qui se convertit, les ulama prennent comme preuve justement ce hadith de Thumama. Parce qu'il se convertit, qu'il est ordonné de se laver, de faire un rusl. Mais en réalité, ulama, ils ont dit qu'il n'a pas été ordonné. Il l'a fait de lui-même. Et également qui? La mère de Abu Huraira. Toujours dans leur shubuhat, ils prennent quoi? La parole d'Allah où il dit, subhanahu wa ta'ala, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين في السبيل الله وابن السبيل. Le verset de la zakat, que la zakat n'est que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent et ceux dont on veut gagner les cœurs. Ça c'est le shahid, والمؤلفة قلوبهم, et l'affranchissement du joug, c'est-à-dire pour libérer les esclaves. Tu payes le maître pour libérer l'islam, musulman, et c'est ceux qui sont pris une dette pour un arrangement pour l'islam. Ils ont endossé une grosse dette pour, par exemple, arranger entre deux clans. Faire une conciliation entre deux clans en islam, par exemple. Pour cela, il a endossé une dette. Donc lui, il a droit à la zakat. Et également celui qui la ramasse. Celui qu'on envoie prendre la zakat a une part pour prendre dedans, pour ce travail. Et également pour le voyageur. Donc eux, ils disent, ils se prennent de ce verset-là pour dire, regardez, dans l'islam, on donne une part au kuffar. La zakat, qui est l'un des cinq piliers de l'islam. Donc cette chevouette également, elle est réfutée. Car non seulement ces gens-là veulent appeler les koufars, les musulmans, les koufars, avec leur prêche là, et pire que cela, maintenant ils veulent carrément leur donner des biens des musulmans aux koufars afin qu'ils nous combattent avec. قال كثير من المفسرين إن المؤلفة قلوبهم ceux dont on doit garder les cœurs, que ceux-là, on ne leur a pas donné l'argent après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, c'est arrivé. Pourquoi? Car après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a été renforcé, devenu fort. Avant, c'était, l'islam était plus faible. Il y avait des gens, des cœurs à gagner. Parmi les koufars, qui ont un peu d'argent pour l'attirer. Mais une fois que l'islam est devenu fort, plus besoin. Donc là, à partir de ce moment-là, ils n'ont plus donné l'argent aux koufars. Ce verset n'a plus été appliqué par rapport au koufar. Il était appliqué, son dont on doit gagner les cœurs, par exemple, un musulman qui est faible, ou un dont on a intérêt à tirer. Mais le kafir, c'est fini. On ne lui donne plus. Ce verset-là, actuellement, là, comme ils le font, aujourd'hui, il n'y a pas de problème de zakat, tu donnes un kafir. Et c'est une chose que le Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a dit, dans son charf. Il dit qu'il y a un khilaf, il dit qu'il y a un khilaf dans la mas'ala, et que lui, la vie le plus fort et le plus juste, c'est qu'on ne leur donne plus. On ne leur donne plus. Donc ça également, c'est l'une de leurs chebouhettes. La dernière du jour, ils prétendent toujours cette indulgence, cette tolérance, cette convivialité et cet amour à leur portée, que dans l'islam, le musulman peut manger de leur nourriture et se marier avec leur femme. C'est-à-dire l'équitable. Qui sont-ils? Les juifs et les chrétiens. Et malheureusement, lorsqu'ils appellent à cela, à manger de la nourriture, ils ont oublié un qaïd muhim jiddan, fi shart. Il y a une condition importante dans la nourriture des gens du livre. Quelle est-elle? Qu'ils aient nommé Allah sur leur zabiha. Lorsqu'ils ont égorgé, ils ont dit bismillah. C'est pas seulement demain, un juif il vient, il égorge sa nourriture cachère, il n'a pas envie de prononcer le nom d'Allah dessus. Mon chrétien pareil. Non, que ce soit un muslim ou un kitabi, si le nom d'Allah n'a pas été prononcé, la viande n'est pas mangeable. Elle n'est pas mangeable. Donc, elle kitab, leur viande nous est licite s'ils égorgent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, elle n'est pas licite. C'est pas dans l'absolu. C'est pas comme c'est elle kitabi qui a égorgé, je mange. Non. Est-ce qu'il a dit bismillah? Surtout, il a dit bismi'isa. Là, c'est fini. La viande, tu la manges pas. Sauf le juif, il a dit bismi'uzayr. C'est fini, tu la manges pas la viande. كما قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. Et mangez de ce dont le nom d'Allah a été prononcé si vous êtes croyant envers ces versets. Et ça également, c'est parmi justement la nourriture des kitabiyin qui ont pour croyance que justement une viande qui n'a pas été égorgée au nom d'Allah est illicite. Il y en a beaucoup des comme ça aujourd'hui. Ils courent les rues d'après toi. Parce que toi, ils ont fait des fatwas pour que tu ailles au McDo en France. Parce que c'est un, comme c'est un pays chrétien, on peut y aller. On dit, ben, franchement, ça c'est du riche à l'état pur. Et du jahl à l'état pur. T'appelles les gens à aller manger au McDonald's, c'est peut-être que c'est la France, un pays chrétien, alors que c'est un pays laïque, déjà à la base. Donc ça, c'est vraiment absurde. Bien que les rites sont restés des rites liés au christianisme, mais aujourd'hui, c'est un pays laïque, la France. Comme ils le disent. Que la religion est dissociée de la politique, du gouvernement. Et le McDo, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est un truc qui est privé. C'est un restaurant privé, une chaîne de restauration privée. Donc ça n'a rien à voir. Maintenant, si demain, ils te disent que c'est halal, t'as une preuve. Parce que c'est pas, tu dis c'est halal, c'est vrai. Aujourd'hui, on a combien d'ici, là, au Yémen, de poulets halal qui viennent du Brésil, de la France. Et les ulama, ils ont bien dit, les viandes qui viennent des pays de Koufar, en pays d'islam, c'est qui halal, tu ne la manges pas, on ne les croit pas. Tu n'as pas le droit de la manger. Il y a écrit halal dessus, tu ne la manges pas. Comment, t'es interdit, tu vas prendre un poulet de France, un poulet du Brésil. Prends un poulet du pays, mon frère. T'es même chez tes frères, tu te sens contraint de manger, de en égorger chez tes ennemis. Tu dis, prends la viande de chez toi. En plus, tu vas aider à fructifier l'économie du pays. En faisant ça, alors qu'en faisant ça, tu les aides eux. Non. Quand c'est écrit halal, tu sais pas, c'est des menteurs. Il y en a déjà vu, justement, que c'est des menteurs, ces gens-là. Chez Mobil, il rapporte que, tellement ce sont des menteurs, qu'une fois, il y a longtemps, ils avaient vendu du poisson dans les pays d'islam. Il y avait écrit Masbour à la Tariqat al-Islamiyya. Poisson égorgé, hein, selon les rites islamiques. Il dit, Masha'Allah, t'égorges un poisson, toi, maintenant. En islam, le poisson, il est licite. Hein, quand le Nabi sallam an al-Bahr, ou al-Hillu maytatu, wa tahur ma'uhu. La mer, c'est ce dont la chair, la viande qui s'y trouve, nous est licite, et dont l'eau est pure. On n'égorge pas un poisson. Si tu viens de la mer, ce n'est pas égorgeable. On le mange. Pour vous, comment t'es un escroc, tu veux nous prendre pour des imbéciles? Égorger, vas-y, prends un poisson, égorge-le, vas-y, tahaddak. Prends un poisson, égorge-le. Tu vas te couper un doigt d'abord. Franchement, pour te dire comment ils se paient la tête des gens, tu vois, ces gens-là. C'est dans le Kitab, Hukm Taswir, Zawat al-Arwah. Il rapporte ça à Chamon Kbel. Le livre, là, il est traduit, là, en France, normalement. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إن آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit qu'aujourd'hui, vous ont été rendus licites les bonnes nourritures. Et les nourritures de ceux qui ont lu le livre d'avant vous, vous sont licites. Et votre nourriture leur est licite. Également, les femmes préservées et chastes, des croyantes. Vous voyez les femmes préservées, également, des gens du livre d'avant vous, ceux qui ont lu le livre d'avant vous. Si vous leur donnez leur mahr, également, la dot, non débauchée, et qui ne se donnent pas à tout amant, qui ne prennent pas d'amant. Ou vous, plutôt, qui ne prennent pas d'amant. Il y a des conditions. Donc Ibn Kathir dit quoi ? لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى مَا حَرَّمَهُ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْخَبَائِثِ وَمَا أَحَلَّهُ لَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ قَالَ بَعْدَهُ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ. Donc il dit après qu'il ait cité ce qui leur a rendu licite, et ce qui leur a rendu licite, comme bonne et mauvaise chose, il dit après, et aujourd'hui, vous ont été rendu licite les bonnes choses. Ensuite, il cita le jugement des bêtes égorgées des gens des livres, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, wa ta'amu alladhina utul kitab hillun lakum. Et la nourriture des gens du livre vous est permise. Ibn Abbas, et Abu Umama, et Mujahid, et Saïd ibn Jubair, et Ikrima, et Ata, et Al-Hassan, et Makhoul, et Ibrahim al-Nakhai, et Al-Suddi, et Muqatid ibn Hayyan. Ils disent, c'est quoi le sens des nourritures? Ce qu'ils ont égorgé. Ah ben le reste n'est pas égorgé, tout ce qui n'est pas viande, légumes ou ce genre de choses, c'est licite à la base, sans divergence. Donc on a dit également ceux qui justement qui ont pour croyance ce qui doit être égorgé doit être coulon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une condition. Ensuite la mas'ala, le fait de se marier avec les kitabiyat, femme des gens du livre. Il y a un khilaf avec un rajih. Il y a un khilaf. L'imam Bukhari, dans son Sahih, dans Kitab al-Talaq, livre du divorce, il dit قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم. N'épousez pas les associatrices jusqu'à ce qu'elles croient, et qu'une servante, une esclave croyante est meilleure qu'une associatrice, même si elle vous plaît. Ensuite, c'est une parole d'Ibn Omar, radiallahu anhu, qui dit كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين لا أعلم من إشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. انتهى كلامه. Qui, lorsqu'il était interrogé à propos du mariage avec les chrétiennes et les juives, il disait que Allah a interdit les associatrices aux croyants. Et je ne connais pas de plus grand shirk qu'une femme puisse blanchir que le fait qu'une femme dise que son Seigneur, c'est Isa. Alors que Isa n'est qu'un serviteur d'Allah. Donc lui, Ibn Omar, sa parole a amené un khilaf, qui n'a pas un ijma. Et le verset cité par rapport au mariage, il est général, à part la mosheka. Cependant, un verset spécifique est venu. Khas, وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Et les femmes préservées de ceux qui ont lu le livre d'avant vous. Donc il est venu justement, le tarsis, maintenant il y a le tarmim et un tarsis. Avant on avait une généralité des mouchlikates, pas permis. Et après on a une exception faite par un verset qui est venu spécifier, hormis les femmes des gens du livre. Et pas n'importe lesquelles. Donc le verset n'est pas abrogé. Juste il a été clarifié. D'accord ? Donc en réalité, le mariage avec elle est permis. Ensuite, le shir, c'est un des conditions émises par les ulama pour se marier avec une kitabiyya. Ce n'est pas dans l'absolu que tu te maries avec elle. Donc déjà, en premier lieu, qu'elle soit pas parmi celles qui font la guerre aux muslimines. Parce que tu as les harbi, tu as le silmi, parmi les koufars. Il ne faut pas que ce soit une harbiyya, comme on dit. Deuxièmement, qu'elle soit justement une femme préservée, chaste, et non une fornicatrice. Hein, qu'elle n'ait pas de relation avec les hommes. Et qu'elle n'ait pas été connue pour ça. Qu'elle soit une femme chaste. Comme le premier verset cité précédemment. Mursanatin, Rel Musafihatin. C'est-à-dire qu'elle soit préservée, qu'elle ne prenne pas d'amant. Même ceux qui sont connus pour le zina, ce genre de choses, et qui laissent tout le monde, hein, elle se laisse charmer par tout le monde, celle-là, ce n'est pas permis. Également que ce soit une femme qui s'habille, qui se recouvre. Ce n'est pas une femme qui se dévergonde, qui s'exhibe. Car cela rend justement dans l'irsène ou l'ifa, dans la chasteté, justement le vêtement lié. Demain, une femme par exemple qui est en mini-jupe, c'est pas une afifa, abadan. Une femme qui est habillée moulant et transparent et court, c'est pas une afifa, abadan. Là, c'est maralouf. Même chez les koufars, ils vont dire, celle-là, c'est pas une, tu vois, ils vont te le dire. Et également, parmi les chouroutes, qu'il n'y ait pas de muslimat. S'il y a des muslimat, tu prends pas une kitabiyya. Pourquoi? Car à la base, la kitabiyya, c'est une mushrika. Donc le verset d'avant, général, il disait quoi? Walamatun mu'minatun khayrun min mushrikatin wa law a'jabatkum. Mais qu'une servante croyante est meilleure pour vous, même si la mushrika vous plaît. Donc ça rentre dans la généralité de ce verset-là. Parce que la kitabiyya, c'est mushrika à la base. Cinquième condition, qu'il faut qu'il y ait une nécessité à ce mariage, une daroura. C'est-à-dire que la personne, genre s'il ne peut être facilité par une muslima, il n'y arrive pas, là il va être sur le point de faire zina. Donc là il peut, pour se préserver. Également que cet homme qui se marie, sixième condition, qu'il ait une science lui permettant justement de repousser les choubouhats de cette femme. Car malgré qu'elle soit sa femme, elle n'est pas à l'abri de se faire toucher par sa religion par la suite. Si par exemple on dit qu'il l'aime, hein, il tombe amoureux d'elle, il a des sentiments forts pour elle, elle peut influer sur lui. Cela est déjà arrivé. Donc ces conditions ne sont pas réunies, pas de mariage avec une kitabiyya. Et s'en éloigner est meilleur, car il y a beaucoup de méfaits à se marier avec une kitabiyya. Par exemple, dans l'éducation des enfants, la nourriture qu'elle mange. Car la nourriture, après, également, influe sur ton comportement, ce que tu manges. Et elle va allaiter l'enfant. Et donc son lait sera imprégné de sa nourriture. Tu comprends? Et aujourd'hui, c'est extrêmement dur. D'accord, de lier une vie entre un musulman, pieux et droit, un sunni et une kitabiyya. Et les vrais kitabiyya aujourd'hui, celles qui rentreraient dans le verset, le wasf, la description, ce serait ce qu'on appelle les bonnes sœurs aujourd'hui. Mais elles ne se marient pas. Dans les couvents ou les autres là. Mais elles ne se marient pas. Elles se sont dit, je voue ma vie à Dieu. T'inquiète pas, elle dit ça, mais crois-moi que ça y va avec les prêtres et les moines, là, t'inquiète pas, entre eux, il se passe des choses. Crois-moi bien. Parce que vivre ta vie dans la chasteté, dans l'absolu, c'est pas, tu vois. T'as été créé pour te reproduire, mais dans le halal. Donc tu vas faire des choses bizarres. Si tu ne restes pas sur les rails, tu vas dérailler. Si tu n'avances pas sur les rails, tu vas dérailler. Tu vas faire des trucs bizarres. Et ça loupe pas chez ces gens-là. Ce sont des gros foudjars. Parce qu'ils se privent d'une chose que là, Allah ne leur a pas privé de se marier. Soit disant, ils vouent leur vie à Dieu. Mais Dieu, t'as pas dit de rester célibataire. Déjà, Dieu, comme tu l'appelles, veut que tu l'adores sans lui associer. Et en plus de ça, il veut que, il a dit à son messager qu'il veut que sa communauté soit la plus grande. Donc les chevaux prises aujourd'hui, elles étaient par rapport à Sourate Al-Kafirun. Celle-là, c'est une sourate qui est venue pour le désaveu. Donc, il n'y a aucun argument pour eux là-dedans. Aussi, le verset sur la zakat, le fait de donner de l'argent aux koufa pour gagner leur cœur. Cela, on a dit, sur la parole la plus authentique, que cela c'était avant que l'islam ne devienne fort. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de le faire. Aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une histoire fausse, que lorsqu'il est rentré à Mecca, qu'il les a tous libérés. Et l'histoire de Soumahama, l'histoire de la conquête de Mecca, on dit que c'est un hadith qui est faible. Rapporté par Mohammed ibn Ishaq ibn Yassar dans la Sira. Et que le hadith c'est de Mursel ou Mordal. Dont il y a deux illa. Et également leur chebouette, le fait que la nourriture des gens du livre nous est licite, et aussi le mariage avec les femmes des gens du livre. Et demain, Bizna Ta'ala, on finira cette série de cours avec une faïda Jamil Adjid Dun, les chouroutes que Omar ibn Khattab radiallahu anhu a émises sur les koufars pour qu'ils puissent vivre en terre d'islam. Faïla Huna wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com.